Alles frei, war fein, der Repeat, ich weiß, aller Leute, leider frei. Simple Dumb, der Beste kam. Der Beste kam, der Beste kam, der Beste kam, der Beste kam. Aui! C'est une bébé qui fait le shit dans les couches, prends des petits pétards, les racontes, on dit ce que le soir, les petits enfants, trop garde ma rêve. La même chose, on se ronde avec des dents, évidemment, qui sont transcendés, bien cinquante, il a des camps, sur toutes les bornes, il a des clips, et un gros pire. C'est un prédable, le best of come! Le best of come, le best of come, le best of come, le best of come. Ah oui! L'âme de l'enjoint escaladé et puis saigné. Faut donner fin au gros profin. Dans le courant et enseignant, fait des garçons sont dans le savon. Faut s'éloigner du mal famé. Cri de douleur rempli de peur face à l'horreur de la grande femme. C'est plein d'âme de bestocom. Le bestocom, le bestocom, le bestocom, le bestocom. Ah oui! Sont repentants et écoutants et leurs parents sont donc contents face à l'horreur de la grande peur. Qui s'appelle l'homme de Bestocom? Le Bestocom, le Bestocom, le Bestocom, le Bestocom. Ah oui! Le Bestocom.